c'est Tortoli et Arbatax, et aujourd'hui c'est la spéciale Festivo. Ils vont parler du festival Couleur Café. Et c'est déjà pas dégueulasse. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Waouh! Yes, I! Alors, bienvenue les amis, c'est Radio Panique 105.4. Très bien, Arbatax! T'as vu? Ça applaudit direct. Tu veux nous dire que c'est une spéciale? C'est une spéciale couleur café aujourd'hui. C'est la spéciale Festivo, mais j'ai l'impression que ton micro est à peine ouvert encore. Écoute, on fait un test comme ça, ça va? Voilà, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Voilà, vous écoutez Radio Panique, c'est Tortoli et Arbatax comme tous les mardis, 18h, 19h, 105.4. Aujourd'hui, une spéciale Festivo avec un petit focus sur Couleur Café. D'où le générique de cette semaine. Serge Gainsbourg, Monsieur Serge Gainsbourg, Couleur Café 1964. Quand même, ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir s'écouter tout au long de l'émission, mon cher Arbatax? Alors, le principe aujourd'hui, c'est de se taper que des morceaux et des groupes qui seront à Couleur Café les 25, 26 et 27 juin à Bruxelles, comme vous et comme on le sait tous. On a essayé de miser aujourd'hui sur les groupes les moins connus peut-être. Alors ne te vexe pas si toi tu les connais. Bravo à toi auditeur. Mais bravo, je t'applaudis on a déjà. Essayé de pas trop taper dans les grands. Par exemple, on n'aura pas de Nas et de Damien Marley qu'on a déjà passé en émission. On n'aura pas Olivia Ruiz. On n'aura pas tout ce genre de grosses affiches. On va se concentrer sur les autres. On a fait notre maximum. On a essayé de trouver les petits morceaux qui vont bien. Et on se fait une heure d'émission là-dessus. Et très bien, merci. À vous, organisateur, écoutez bien cette émission. Vous écoutez donc Tortoli Arbatax, c'est la spéciale Couleur Café, une spéciale Festivo. Et pour débuter, pas en fanfare, mais pour débuter assez fort, on va commencer par Ebony Bones, la fameuse chanteuse from London. Sous. Yeah. UK. Et le titre s'appelle Warrior. Voilà. Ebony Bones. On vient juste derrière. Bing! Salut. Oh! Waouh. C'était bon tout ça. C'était Ebony Bones. Le titre s'appelle Warrior. Ebony Bones sera en concert au festival Couleur Café, dont nous parlons toute la émission. Toute la émission. Toute la émission. 25, 26, 27 juin 2010. Ça a lieu sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. Ebony Bones, vous la verrez le vendredi soir. Non, ouais, si, le vendredi soir, à partir de minuit, un truc comme ça. C'est ça. Un autre artiste qui passera à partir de minuit également, c'est le prochain qu'on va vous passer. Ouais. Ça s'appelle Speed Caravan. Speed Caravan, ouais. Exactement. D'ailleurs, j'ai une petite colle pour toi, mon petit Arbatax. Vas-y. En cette émission spéciale. Je ne suis pas incollable. Je ne suis pas incollable. Vas-y. Speed Caravan a repris un titre d'un groupe, ma foi, fort connu. Ouais. Et dont le titre est aussi fort connu. D'accord, ouais. Je vais te lancer le titre et à la fin de cela, on va voir si t'as reconnu. Ok, vas-y. Jouons, mon petit Arbatax. Écoutons ça. Push the button. Hey, c'était bon ça? C'était Speed Caravan, c'est ça hein? Ouais, c'était Speed Caravan et ma poule, figure-toi que j'ai trouvé ce que c'était. Facile. Ah, c'était quoi? Alors c'était un cover de qui? Bah c'était un cover des frères Chimiques, les Chemicals, les Chemicals Brothers, Galvanize. Ah, Alil Chimique et son frère qui s'appelle Richard, je crois, ou Pascal, je ne sais plus. Je ne sais pas, on s'en fiche de toute façon. Là, on est en train de s'écouter rapidement, petite info, le tapis qu'on a derrière nous. Attends, regarde, écoute. Moi, c'est sous mes pieds le tapis que je l'ai. Hein. Je ne sais pas toi. Voilà, ce qu'on est en train d'écouter, c'est la piste 12 sur mon petit CD. Et c'est Sistema Solar, Bienvenidos. On l'a utilisé en tapis parce que voilà, c'est bien, c'est frais. Ils seront aussi au festival. Voilà, voilà. Tortoli, une info, quelque chose. Une info, bien sûr, de toute beauté, comme d'habitude. Les tickets un jour sont à 34€, les combis 3 jours sont épuisés. Donc je vais vous donner le prix, ça ne sert à rien, c'est 73€. Bing! Les combis 3 jours plus camping, c'est également épuisé. Donc forcément, je vais vous donner l'info, 88€. Bam! Mais de toute façon, on va pas aller en camping. On est tous bruxellois, on a pas que ça à faire. Non, on va tous chez toi après de toute façon. Et voilà, au pire si rancard chez Tortoli. Au pire si vous n'êtes pas bruxellois, je peux vous accueillir. Bruxelloise. Moyennant quelques euros. Voilà, bien sûr. Vous pouvez m'écrire à tortoli@herbatax@gmail.com. Ça marche gros. Yes. Alors maintenant que t'as trouvé ce petit défi, ce challenge, cet exercice musical, tu vas peut-être pouvoir me lancer un petit son. Tout à fait, tout à fait. Tu peux te faire plaisir, vas-y, je te donne carte rouge. Allez, on s'écoute Neka qui était l'année dernière une des révélations du festival et qui revient cette année à la place de Wycliffe. Qui nous a lâché. Prends ça, Jean. Et on s'écoute le morceau qui s'appelle Heartbeat. Cœur de beat. J'ai essayé de combler pour pas qu'il fasse la blague, mais il l'a faite. Ah, t'es trop lent. Allez, on se rejoint juste après ce morceau de Neka pour d'autres infos sur le festoche qui nous tient tous à cœur. Cœur de beat. You said you'd be there for me in times of trouble when I need you when I'm down. And likewise, you need friendship. It's from my side pillow, but isolated things have been changed. C'est Tortolie et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. In New York they want me, and I'm gonna be there. That city's calling, and I'm gonna be there. In Paris they want me, and I'm gonna be there. Spreading the vibe all over, yeah. Rasta lion calling them. Shilly dilly wally dilly dilly, shilly shilly yeah. Shilly dilly wally dilly dilly, yeah. The vibe is so right. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So if this my song for you, my friend, you can only see that I can hardly let things go. Oh, oh yeah. So listen to the sound of my voice. Your brother send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound, daddy boys. Walk him off as a freedom fighter. He's handling a choice, and I know. Yeah. Dear rock him up and it's a one of the friend. What you see is what you really need in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear rock him up and shall I not fall it down? Cause he has the wisdom of a not fool around. But why don't you be good friends under your ground? Yeah. You never had it easy, I know. I still remember you. What we used to have, so if this my song for you, my friend, you can only see that I will never forget. Yeah, anyway, overboard, yeah, overboard. One of the friends, what you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know, no. Dear, welcome up, I should have not fallen down. You see, as the wisdom of a not fool around. But why don't you be good, sexy, out there, yeah, girl. Très bon ça. Et Tortoli et Arbatax, de retour. Les amis, nous avons eu le droit à Neka Heartbeat. Et ensuite, nous avons eu le droit à Selachou, je sais pas si je le prononce bien, avec son petit morceau Ragamuffin. Et là, en ce moment, vous êtes en train d'écouter, en ce moment même, un petit groupe qui s'appelle Shock Quid Town, le morceau Somos Pacifico, que vous retrouverez aussi à Couleur Café. Fin quand, juin. Quand est-ce qu'on peut retrouver Neka ou par exemple Selachou? Ok, Neka, ce sera le samedi soir. Très bien. Au plein cœur de la fête, à l'apogée, au zénith du festival, sur les coups de 20h. Et puis Selachou, elle, ce sera vendredi à 18h, donc totalement en ouverture du festival. La petite Belge, big up, la petite Belge qui monte. Alors, chers auditeurs, nous sommes le 1er juin. Ça va, Tortoli, tu te sens bien ? J'adore ta vanne de la petite Belge qui monte. qui fait guili guili guili guili. Nous sommes le 1er juin, c'est la Saint-Justin, il est 18h24, vous êtes à l'aise sur Radio Panique et c'est l'heure du moment tant attendu. C'est l'heure de l'agenda culturel, l'agenda culturel. Ouais ! Honneur à toi, Tortoli. Oh, merci. Alors, on va se la faire en parallèle, je veux dire. On va présenter l'un après l'autre son agenda Q, mais l'agenda Q il sera à peu près semblable dans sa configuration, vois-tu. J'ai dit des mots compliqués dans cette phrase, je comprends que tu ne comprennes pas. Ok, mais utilise des mots de deux syllabes grand max, s'il te plaît. Excuse-moi d'utiliser quelques litotes et autres... Autres allitérations en apostrophe et en syntaxe. Je vais m'arrêter là. Alors, c'est quoi ce qui se passe? Donc voilà, c'est quoi, c'est cette semaine, c'est quand? En fait, j'ai deux événements pour cette semaine. Yes. Et étant donné qu'on fait une spéciale festivo, je vais faire un petit focus, mon ami, sur un festival, voire deux, si je suis en forme. Très bien, c'est pro. C'est pro, c'est carré. Ça le donc fait. Ça commence direct, c'est mon premier rendez-vous pour l'agenda Q. Il a lieu dès vendredi. Dès vendredi, c'est le lancement, c'est l'inauguration même des apéros urbains. Les apéros urbains, vous connaissez, c'est pas des beuveries. Attends, il n'y a pas eu des apéros urbains pendant la fête de l'Iris là ou... Oui, c'était un peu la même chose, mais là, sauf que la saison des apéros urbains qui aura lieu tout l'été tous les vendredis. La saison est ouverte. La chasse est ouverte, vous pouvez y aller. Allez les gars. Le premier, il a lieu Place Pollard et c'est vendredi 4 juin. Il y en aura un le 11, le 18, le 25, j'en passe, juillet, août, jusqu'au premier week-end de septembre. Et c'est tout l'été, voilà, vous vous retrouvez tous les week-ends, tous les vendredis. Donc on amène des trucs, on amène de la musique, Namur, ou il y a déjà tout sur place? Namur. Non, il y a tout, il y a de la musique, il y a déjà des DJ, il y aura notamment ce vendredi, il y aura Shemboy, je sais pas si je le prononce bien. Bah je sais pas, mais je ne le connais pas. Voilà, Shemboy. Vous pourrez danser. Il y a une buvette, il y a ce qu'il faut. Ouais, il y aura c'est un peu le but, c'est apéro, c'est buvette, on rencontre des gens, on se fait des amis, et puis après on les ramène. Oli. Mon deuxième. Yes, nice. Donc bien, premier plan gratuit, ça m'intéresse. Voilà, deuxième. Dans le genre gratuit radin, j'ai encore une autre info. C'est la fête de l'environnement, ça a lieu au parc du cinquantenaire. Merci de m'avoir coupé la musique, enfoiros. Qu'est-ce que tu veux? Attends, le parc du cinquantenaire. Continue, je m'arrange. Qui accueillera ce dimanche la fête de l'environnement, le parc du cinquantenaire, c'est Métro Schumann, Mérode. À partir de 11h, il y aura notamment des concerts. Je vais pas vous dire les noms parce que c'est un peu dégueulasse en termes de concerts. Mais c'est surtout l'occasion de. C'est pour le principe, quoi. De respirer sur l'herbe du bon air. Voilà. D'accord, et de déjeuner du bon air. Voilà. C'est dimanche 6 juin, c'est à partir de 11h. Maintenant, dans mon focus festival, allez. J'ai à tout seigneur, tout honneur, à tout bonheur, tout malheur. La fête de la musique qui ouvrira la saison des festivals. On serait sur une auto-promo. Voilà, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous parler de la fête de la musique, mais rapidement, très rapidement, juste pour vous dire que ça commencera à partir du jeudi 17 juin. Et moi, j'ai juste repéré un petit plan. Enfin, même ça a l'air d'être un bon plan. C'est le samedi 19 juin au Parvis de Saint-Gilles, carré de Moscou. Il y a une battle de fanfares entre trois fanfares qui s'affrontent. Le public est invité à voter pour l'une ou l'autre fanfare. Et voilà, tout ça va être dans la bonne ambiance, dans la rigolade, dans le répertoire festif, on va bien rigoler. C'est bien ce que je disais, il est modeste. On serait bien sur l'auto-promo. Oh. Arrêtons. Une fois que la fête de la musique sera bien lancée et bien achevée, on va se diriger plus tard, au mois de juillet, à Dour. Oui monsieur, à Dour, à côté de Saint-Guilain. Dans le sud de la Belgique, le Dour Festival a une réputation qui n'est plus à faire. Je vous donne un peu d'abord les tarifs. C'est 4 jours de festival, c'est 93€. Tu comptes le camping, t'en rajoutes une quinzaine. Donc voilà, t'es un peu plus de 100€. Il y a 200 groupes. Ça risque. Ça fait 50 cents le groupe, quoi. À peu près, ouais. Donc un quart de bière. Environ. Donc en termes de programmation, comme dirait Arbatax, c'est énorme! Énorme. Je vous la fais dans le désordre. Air Guitar Belgium, Archie Bronson Outfight. Non, commence pas par les nuls. Bon, je vais faire les bons alors. Hightone, Gentleman. Il y aura également DJ Kentaro. Il y aura Wax Taylor. Il y aura Chinese Man. Il y aura Dub Pistol. Il y aura Omar Perry. Il y aura Braca Sam Sistema. Tu m'arrêtes si je continue trop. Il y aura Étienne de Crécy. Il y aura Black Sun Empire, il y aura Guy Borato, mais il y en aura pour toutes les bouches, toutes les lèvres. Pas mal. Tu y seras toi, Tortoli? Si tu viens, oui, je viens. Ah, tu viens? Ok, bah on va discuter de ça parce que j'ai peut-être d'autres choses de prévues. Oh là là. Oui, monsieur. Allez, bah dis donc, tu nous as bien alléché avec tout ça. Hein. Je vois ça, ouais, ça s'annonce musical et en parlant de musique. T'as un peu de bave là, de côté. On parle musique, on va partir du côté de la Mama Africa, l'Afrique. Et avec le papa qui dit ça, Mama, yes, Africa. Mama Africa. On va aller direct en bas, direct. Mec, je t'annonce un Malien. Hein, on arrive sur du Salif Keita là. On serait sur sur un Suédois. Un Suédois. Enfin oui, voilà, un Malien du Nord. Avec et un le corps morceau, de Suédois. C'est Madan. Tu me laisses parler, oui. Le morceau, c'est Madan. Bonjour, s'il vous plaît. Madame. Bonjour, Madan. Et c'est pas vraiment une découverte, mais on se fait zizir. Et puis on reviendra juste après pour peut-être un autre agenda culturel. Oh, merci Arbatax. Amor, que le manda con idea. Waouh. C'était bon ça, c'était Salif Keïta. Le titre s'appelle Madan. Oui, monsieur. M-A-D-A-N. Et oui, Salif Keïta qui avait sorti un dernier single là, il y a peu de temps, qui s'appelle La Différence et qui est pas mal non plus, qui est pas dégueulasse. qui est pas dégueulasse. Salif Keïta qu'on retrouvera à Couleur Café le dimanche aux alentours de 18h, donc voilà, l'apéro le dimanche, nickel. Mais avant tout, enfin avant de reparler de Couleur Café, de rester sur cette thématique festival, c'est l'heure, mon petit Arbatax. Oui, je t'entends. Oui, il est 18h, presque 38. Yes. C'est l'heure de l'agenda Q. L'agenda Turel. L'agenda culturel. Yes. Donc si je comprends bien, c'est mon tour. Hein, t'en as pas un deuxième de prévu. À ton tour de jouer. Ok, à ça marche. Rapidos, les amigos. Deux petites dates jeudi. Donc les deux sont jeudi. Vous avez le choix. En premier choix, je vous dis qu'au VK Molenbeek, vous connaissez, on ne présente plus, le groupe Young Blood Brass Band. Young Blood Brass Band. Ça vous coûtera 12-15€. C'est à 19h30 au VK. De quoi il s'agit? Disons que c'est un groupe qui serait sur une thématique de rap, un petit peu old school comme ça, la Public Enemy. Le flow du MC ressemblerait au flow de Zach de la Rocha, si vous voyez, donc assez bien léché. Et puis on serait sur des petits airs de fanfare, un petit peu en musique derrière. Tout ça à la sauce latinos. Et c'est un nouveau style qu'on appelle le Riot Jazz. Donc si ça vous intéresse. Moi je trouve ça plutôt alléchant, donc les Young Blood Brass Band au VK jeudi. Jeudi encore, deuxième choix, aux ateliers Klaus 1060 Saint-Gilles à 21h. Il y aura deux groupes belges qui se succéderont, Extra Life et Joy Astoy. Il vous en coûtera 8€. C'est l'occasion pour Joy Astoy, un groupe de rock belge, de sortir et de présenter et d'inaugurer son premier album qui s'appelle Valparaiso. Donc petit concert sympa, 8€, atelier Klaus, jeudi encore. Merci pour ces petites infos, mais et quel est ton focus? Quel est ton festival focus? Voilà, bah écoute, t'as balancé Dour, donc c'est quand même du lourd. Dour c'est lourd. Mais toi t'as plus lourd. J'essaie de prendre quelque chose un petit peu de la même catégorie, un peu de comparable, histoire que je puisse rivaliser. Bah écoute, on va se prendre les Ardentes, hein. Les Ardentes, festival qui n'arrête pas de mûrir et de grossir, c'est énorme. Voilà. Ça se passe, écoutez les amis, c'est dans un tout petit peu plus d'un mois, les 8, 9, 10 et 11 juillet au Parc Astrid de Liège. La plupart d'entre vous y a déjà probablement été. Donc pour le rappel, c'est un peu comme Dour, hein. On est sur du 45€ la journée. Le pass 4 jours est à 110€ et le festival nous rappelle que toutes les commodités sont prévues. mais en plus c'est... Oui, mais c'est un problème que souvent les festivaliers se posent. Mais c'est surtout que le lieu a l'air vachement sympa. Le parc Astrid. Oui, parc Astrid en fait. C'est ça n'a rien à voir avec le petit et le gros. Avec, roux, avec Astrid et Obélide. Non, oui, c'est pas eux. Non. C'est pas eux, c'est pas en Ile-de-France. Est-ce que Goscinny sera là? Non. Il y aura qui alors? Alors il y aura le premier jour, par exemple, j'en prends 2-3 par jour. Jamie Lidl, Missy Elliott le jeudi. On va passer au vendredi avec Nerd, Birdie Nam Nam, Ellie. Pardon, je le refais ou tu le dis? Dis-le directement. Hélène Alien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On serait sur du Zombie Nation. Il avait bien préparé. Non, mais attends, tout ça c'est de tête. Hein. Si je me rappelle bien, le samedi, Baby Shambles, le groupe de Pete Doherty, Charlotte Gainsbourg, qui ne sera pas à ses premiers pas puisqu'elle passe au Cirque Royal en juin. Avant, et donc pour les Bruxellois, si ça vous intéresse, il y a aussi Nada Surf qui font leur retour, The Black Box Revelation, Flesh Tones, etc. Et le dimanche, on finit en beauté avec Public Image, Archive, Gaëtan Roussel, ET 67, Sharon Jones and the Dap Kings, que j'adore. Et puis voilà, Arnaud Florent Didier que je déteste. Voilà, par exemple. Il en faut toujours un qu'on aime et un qu'on aime pas. Comme ça, on est sûr de voir un des deux. Voilà, donc voilà un bon festoche dans un petit peu moins d'un mois. À vous de choisir, à l'est ou à l'ouest. Merci Arbatax, c'était vraiment. Voilà, et ça m'a donné envie. Pendant ce temps-là, je rappelle vite fait qu'on est en train d'écouter, le son Esto es lo que hay du groupe Los Amigos Invisibles. Ah, les amis invisibles. Voilà, les amis invisibles. Salut, c'est les amis invisibles. Voilà les amis, très on bien. Part sur du son un peu ou quoi? Ouais, revenons à notre thématique, couleur café, notre spécial festivo. On s'envole direction tout de suite la Jamaïque. C'est notre Kingstown. Ami Sizzla. Yes, Sizzla Kalonji. Qui est en duo avec, tu vas me le dire. Avec Diane, allez, à la française Rutherford, pour un brand new sound, massive tune. Ça s'appelle le New Day, morceau sorti en 2010. Tortoli, j'attends que ça. Tu balances ça, Sizzla, et puis on se fera peut-être Tony Rebel juste après. Et on retrouve ça le dimanche, Sizzla. Sur les coups de 11h. Tar, tar comme ouais. Le tatar. Tartare. Très bien, c'est parti. Ciao, ciao. See a new day dawning. Yeah. I see a new age coming. What you gonna do? Prepare for the future. What you gonna do? Prepare for the future. I see a new day dawning. I see a new age coming. What you gonna do? Prepare for the future. What you gonna do? Prepare for the future. Everyone a talk about them 2012. When it come, make sure poor people get help. Make sure you restore the children's health. Because I'm mashing up the world and I hype yourself. Heal the sick, help the blind, you're with me. Any little thing to help the poor, come get me. Educate the children, do it quickly. What do you say? You tell you about the year 50-50. When no guns, no bombs, nobody not get shot down. No youth blood, no run, no one love a flow, no. No ain't no crime, no get the youth, no do time. Where everybody get in line, a loving class. I see a new day dawning└ I see a new age coming. What you gonna do? Prepare for the future. What you gonna do? Prepare for the future. I see a new day dawning. I see a new age coming. What you gonna do? Prepare for the future. What you gonna do? Prepare for the future. One love in the family. Yes, I am. Too much war and no unity. In my pocket, food in my house, get no in the bracket, sing and me shout, why you for stop it, love me promote, east, west, north and south, when you're in a trouble, you no see a one, still you gotta juggle, and be a man, here you go, leave the world, boys and girls, teach them to be strong. See a new day dawning, see a new age coming. A new day dawning. I see a new age coming. What you gonna do? Prepare for the future. What you gonna do? Prepare for the future. Yeah. I see a new day dawning. I see a new age coming. What you gonna do? Prepare for the future. What you gonna do? Prepare for the future. I see a new day dawning. I see a new age coming. What you gonna do? Prepare for the future. What you gonna do? Prepare for the future. Yes, c'était tout bon ça. C'était Sizzla avec Diana Rutherford, A New Day. C'est ça, c'est ça. C'est ça, mais tu. Attends, je vais te monter. Tu seras bien gentil. Et là, j'entends tout de suite un son bien connu, un gros classique. L'ami Tony Rebel qui sera là samedi de minuit à 1h. Donc. Boom! Le morceau c'est If Jah is standing by my side. Your will, no you think I'm gonna do? Keep up now. No, no, not gonna burn. My foes attack and I just smile. They don't seem to understand my style. My confidence is so high, high. In a Baba Jana, Jah is standing by my side. Then why should I? So talk your talk and laugh your laugh. That won't shiver my heart. His secret tabernacle will guide I, guide I, guide I. Guess your guess and test your test. That is in your own interest. To find out the power of the Most High, Most High, Most High. Yeah. Should I be afraid of a pestilence that crawled by night? If Jah is standing by my side, then why should I be afraid of a pestilence that crawled by night? Boom, boom, boom, it's a junior. Boom, boom, boom, it's a junior. Boom, boom, boom, it's a junior. Boom. Yes, Tony Rebelle de retour, enfin plutôt Tortelier Arbatax de retour sur les ondes Radio Panique 105.4. Vous écoutez la spéciale Festival, Festivo, une spéciale couleur café. Un petit peu, faut le dire, oui, couleur café, un festival qui se tiendra à Bruxelles à la fin du mois. 25, et, 26, 27. Notons que nous là, on fait, on se focus un peu sur la ZIC. Rappelons qu'on vient d'écouter Tony Rebelle et donc il n'y aura pas que ça, mon petit Arbatax. Non, il n'y aura pas que ça. En fait, vous pouvez aussi trouver plein d'autres animations et activités à faire autres que les concerts sur le festival, et notamment le Solidarity Village ou le Village Solidarité, qui accueillera différentes associations sur le thème choisi par Couleur Café cette année de la réduction de la pauvreté. C'est aussi le thème de l'Union européenne pour l'année 2010, la réduction de la pauvreté. Et c'est aussi un des grands piliers du forum du millénaire. Je ne sais plus ce que c'est, les objectifs du millénaire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était donc la partie sérieuse de cette émission. Voilà. On peut quand même citer les. Mais enfin, ça peut être associatif et avec conscience, tu vois. Pour, ouais, on peut être consensueux et drôle. Et drôle, et il y a moyen de tout faire, tu vois. Donc n'hésitez pas à vous rendre à ce village et vous y trouverez notamment les assos. Qui sont Caritas Belgique, RFA, je vous les donne dans le désordre. Hein. Projet Quito, L'Autre Terre, les îles de paix, pas de blague, Arbatax, ATD Carmonde. Ça s'en souffle. Il y en a, y a Amnesty, il y a Médecins du Monde, etc. Il y en a des grosses. Il y a surtout des petites, locales, bruxelloises. Il y en a des grosses et des petites, voilà, comme partout. Il hein. Bah, y en aura pour tout le monde, comme d'habitude. Hein, mon petit. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre. Ils présenteront probablement leur projet. Il y aura peut-être des petites animations. Et puis voilà quoi, c'est une manière de s'ouvrir un petit peu l'esprit. Si on continue à s'ouvrir l'esprit. Tortoli, il y aura aussi des spectacles déambulatoires, tu veux dire. Ouais, c'est Est-ce ça. Que je te voyais ça. Mimer un truc avec tes lèvres. Bah avec mes lèvres, avec mes mains là, tu vois là, une c'est une trompette. Une trompette, voilà, c'est ça. Ah, et là, okay, et là. Et là, c'est. Je suis sûr que vous avez trouvé à la maison. Là, c'est. Là, t'es en train de faire cuire. Je ne sais pas. Ton rébut est trop compliqué. Ah, peut-être que c'était un saxophone ou mais alors voilà une batterie. Ce qui veut dire qu'il y aura des fanfares qui se baladeront un petit peu partout. Tu pourrais nous citer, toi qui es le spécialiste S fanfare ici. Quelle étiquette tu me donnes, merci. Il y aura Don Fiasco de Belgique, ABC, Brass Band, les Saurus, la fanfare du Commando Fête, j'en passe et des meilleurs. Pire. Ça marche. Merci Tortoli, merci. Et puis je me souviens de la colle hein, que tu m'as posée tout à l'heure sur Speed Caravan et Galvanize. Oh l'autre, il m'a surpris. T'inquiète pas, laisse-moi te balancer ce petit morceau de Ben l'Oncle Saul qui sera à Couleur Café. Ben l'Oncle Saul, un Français parisien qui, comme son nom l'indique, fait de la soul. Et puis ce morceau, Tortoli, je te laisse deviner, c'est la cover de quoi? C'est une reprise de quoi? Il y a trop de suspense. On en parle juste après. Je vais aller pisser. Il y a trop de suspense. J'ai trouvé Arbatax. C'est Seven Nation Army de White Stripes. Bah bien joué. White Stripes. C'était facile, hein. C'était facile. Moi, oui, c'était facile. Et tu m'en referas des exercices comme ça, hein. Sans souci. Tiens, bah directement, la prochaine là. Ça s'appelle comment? J'ai oublié ma feuille. Je suis désolé, monsieur. Benda, Bilili, ils sont énormes. On les a déjà passés dans cette émission. Ils sont énormes. Regarde-toi. Tu débutes, toi. Ils sont énormes. Attends, on est en train de parler sur du blanc. Tiens, d'ailleurs, je vais lancer Staff Benda. Ouais, mets du noir. Hop, Staff Benda Bilili. Le titre, Staff Benda Bilili. Yes. C'est ça qu'il faut. Botia maboko staff ekende liboso. Botia maboko staff ekende liboso. Bakondi amboka botale la bisope. Monsala se monsala. Monsala tata mama. Bakondi amboka botale la bisope. Monsala se monsala. Monsala tata mama. Stop! kufate Bande kopa bolingo staff e bobiko kufate Boti ya maboko staff ekele liboso Boti ya maboko staff ekele liboso Bakonzi ya boka otale la bisope Mosala se mosala Mosala tata mama Bakonzi ya boka otale la bisope Mosala se mosala Mosala tata mama Staff Bendabilili, le yes. titre s'appelle également Staff Bendabilili. Pas voilà. compliqué, pas compliqué. On est obligé un peu de cuter comme des bouchers, mais voilà, tout simplement parce qu'on est en retard, on a raté notre bus, on est arrivé en retard. Vous vous rappelez que c'était une émission spéciale Couleur Café, on va vous redonner toutes les infos nécessaires sur notre page de la Radio Panique et également sur notre Facebook, vous pouvez nous contacter via Gmail. Couleur Café, vous retrouverez ce festival 26, 27, 28 juin. 2010, où ça, à Touré Taxi, à Bruxelles. Bien joué. Voilà, arrêt Belgica. Mais... Pour nous écrire, c'est tortoliherbatax@gmail.com. Le groupe Facebook, c'est tortoliherbatax Radio Show. Très bien. Facile à trouver, facile à trouver. Et maintenant qu'on a disons, effectué, notre... finalisé... On a fait le job. Deux spéciales. Voilà. Après la fume ta moustache, voilà, après le couleur dernière, café. Qu'est-ce aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce la semaine prochaine, on s'en fait une spéciale World Cup, une spéciale Coupe du Monde. Ce sera le Tortolier Batax Panic Football Club, mardi prochain. Ensuite, dans 15 jours, une spéciale USSR, URSS... CCCP. CCCP, comme on le voit écrit souvent. Le 22, il y aura une spéciale 90s avec que du son... qui nous viendra nous chatouiller comme ça, nous ressortir nos émotions des booms de l'époque. Très bien. Et mission spéciale 90s. Et puis surprise pour la dernière, puisqu'on ne l'a pas encore préparée. Oh. Mais ce sera sûrement la dernière goutte de la saison. Sûrement. Une des dernières en tout cas. Oui monsieur, oui monsieur. Allez, il est 19h. Merci d'avoir écouté et suivi cette émission, les amis. Tortolier Batax vous quitte toujours sur un classique. Oui. Il vous quitte ce jour même. Sur un classique de poids avec Nas et NTM, le titre s'appelle Affirmative Action, qu'on peut traduire en français par... Par Chacun sa mafia, ça n'a rien à voir mais c'est le titre en français. Très bien, allez, à la semaine prochaine. Ça c'est pour vous, ça fait zizir, NTM et Nas, ciao. Chacun sa mifa. Chacun sa mifa. Yo, sit back, relax, catch a contact, sip your cognac, and let's all wash this money through this laundromat, sneak attack, a new cast and back, worth top dollar, in fact, touch minds and I'll react like a rock baller. Who could relate? We play for high stakes at gunpoint, catch them in break, undress some time with tape, no escape, the Corleone, Fettuccine, Capone, roam in your own zone, again, kidnapped and clapped in your dome, we got it sewn, the firm, all the wars unknown, lower your tone, face it, homicide cases get thrown, aristocrats, politic and deli with diplomats, see me, I'm an